Chapitre 4 Jaco Godailleur. C'était un étrange personnage que celui qui venait d'articuler cette apostrophe. Imaginez sur un corps maigre, sec comme un échalas, une tête piriforme dont le profil figure une serpe, des cheveux jaunes taillés en brosse, des yeux à fleur de tête surmontés de sourcils jaunes, un nez d'une longueur phénoménale, et avec cela si pincé que les narines sont imperceptibles, des moustaches jaunes mesurant 4 pouces, raides, coupant la face comme les bras d'une croix, une bouche large à faire envie à un crocodile, un menton qui semble avoir hâte de rattraper le cou, lequel, effilé, droit, guindé, a assez l'aspect, en y ajoutant le crâne, d'un point d'exclamation tourné en sens inverse. Imaginez cela, et vous aurez une idée approximative du portrait de Maître Jaco Godailleur. Ah, n'oublions pas, un visage osseux comme celui d'un indien, gravelé, couturé, brouillé de petites véroles. Le corps était à l'avenant. Les omoplates formaient angle droit avec le col, angle droit avec les bras. Pour le buste, sa petitesse surprenait. Mais en revanche, quelles jambes, quels pieds! Il rappelait à s'y méprendre ceux de feu Don Quichotte. À vrai dire, Jaco Godailleur n'avait pas que ce trait de ressemblance avec le brave chevalier de la Manche. En l'examinant de près, soit au physique, soit au moral, on trouvait entre lui et le héros de Cervantes un air de famille qui faisait sincèrement douter que le premier eût été jamais le produit de l'imagination du second. Comment les physiologistes prouvent-ils, l'affirment, que les petits-fils empruntent généralement leur mine aux ancêtres? Je suis assuré que le créateur de Don Quichotte s'était, pour sa création, inspiré de l'un des aïeux de Jaco Godailleur. Mais nous n'en sommes pas encore au plus pittoresque de notre description. Une vingtaine de gamins, peau rouge, peau jaune, peau blanche, avaient suspendu leur jeu de la Bagat Iwag. Note de l'auteur, sorte de jeu qui se joue avec des bâtons et une boule, et que dans certaines parties de la France, les enfants nomment la truotte. Fin de la note. Ou de la crosse, pour suivre Jaco par derrière. Et il paraissait ébahi. Au milieu d'eux s'étaient même timidement glissées quelques femmes, et elles paraissaient stupéfaites. 3 ou 4 hommes s'approchaient encore, et eux aussi paraissaient étonnés. Le sujet de cet intérêt général, c'était Jaco. Oui, Jaco Godailleur, qui jamais, oh non jamais, n'avait été l'objet d'une pareille ovation. Mais je dis Jaco Godailleur, affaire de politesse. La vérité veut qu'on rende à César ce qui appartient à César. Donc il faut avouer de bonne foi que c'était à l'habit, non à l'homme, quelle que fût d'ailleurs la distinction naturelle de celui-ci, que les habitants du Saule de Sainte-Marie rendaient cet hommage de curiosité. Un habit bien ordinaire pourtant, un uniforme de dragon. Oui, un simple uniforme de dragon, petite tenue encore, s'il vous plaît. Bonnet de police sur le coin de l'oreille, col de crin, veste d'écurie, pantalon de cheval, grandes bottes éperonnées. Nous coudoyons cela tous les jours, sans y faire plus attention qu'à une blouse ou un paletot. Mais autre pays, autre costume. On peut déclarer hardiment que jamais pareil équipement n'avait brillé au soleil du Saule de Sainte-Marie. Là, tout le monde en était aussi émerveillé que nous le serions si un peau rouge passait près de nous dans sa robe de buffle. Le pantalon de cheval, rouge d'un côté, noir, ciré, luisant de l'autre, faisait surtout l'admiration publique. J'ajouterais qu'il accumulait dans l'esprit des admirateurs des sommes d'envie, rien moins que favorables à la sécurité future du vêtement, et même à la santé de son honorable propriétaire. Cependant, Jaco Godailleur, la main droite légèrement infléchie et la paume en avant, à la hauteur de son bonnet de police, le bras gauche collé le long de la hanche, le petit doigt de la main sur la couture du pantalon, les jambes rapprochées, le corps droit, immobile, répétait en faisant son salut militaire. « Ah, par exemple, vous voilà dans un joli état-marche-chef, j'en aurai des mots pour astiquer votre fourniment. » Pour bien rendre l'intonation qu'il donnait à son mot, il faudrait renforcer ce terme de 3 accents circonflexes. Pourquoi la langue écrite est-elle si pauvre, la langue parlée si riche? En entendant cette interjection, l'ingénieur se retourna. Mais l'Indien ne bougea pas de place. Tiens, c'est toi, Jaco, dit Adrien. Jaco, que d'ailleurs, pour vous servir, marchef. Et le dragon fit trois pas en avant, avec toute la précision réglementaire. Serait-ce, dit-il, en effet, de votre bonté, marchef, de me permettre, marchef? Allons, explique-toi. En deux mots, marchef, je désirerais, marchef, si ce n'était la crainte, marchef. Tu veux savoir pourquoi je suis mouillé? Tout juste, marchef. On voit bien que vous êtes allé aux écoles. Vous devinez tout, vous, marchef. C'est, reprit l'ingénieur, que j'ai aidé cet Indien à se tirer de la rivière où son bateau avait chaviré. Ce particulier là, fit Jaco, avec une moue méprisante, et en étirant ses moustaches pour en augmenter la rigidité. Oui, ce particulier là, répondit l'ingénieur d'un ton souriant, et s'adressant au peau rouge. Voici encore un Français, lui dit-il. Oui, Français, 1000 carabines, corrobora Jaco Godailleur. Le bon chien se tourna alors vers le dragon. Il porte, dit-il lentement et d'un air dédaigneux, l'habit des Anglais. Anglais, moi? Moi, Jaco Godailleur, un Anglais? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Proféra le dragon d'une voix menaçante. Pourquoi ce casque rouge? Reprit l'Indien. Un casque. Il prend mon bonnet de police pour un casque. Mais il est toqué, votre bonhomme, marchef. L'ingénieur ne put s'empêcher de sourire. Sungouche Ousseta continuait. Pourquoi ce pantalon rouge? Parce que c'est l'ordonnance, imbécile, répliqua Godailleur d'un air capable. Adrien crut alors devoir intervenir. Parle avec plus de respect à cet homme, Jaco, dit-il. C'est un chef de tribu. Chef de quoi? De tribu. Une tribu, qu'est-ce que c'est que ça? Une réunion d'Indiens. Il y a des tribus qui en comptent plusieurs mille. Et ce citoyen est un chef? Oui. Comme qui dirait un coronel? Tu as trouvé, Jaco. Alors, on vous obéira, marchef, quoique ça n'empêche. Il a une drôle de frimousse pour un coronel, votre... Tais-toi, interrompit sévèrement Adrien. Suffit, on se tait, répondit le dragon, en reculant de trois pas, et s'arrêtant fixe, comme s'il eût été dans les rangs à un appel. Cet homme est ton esclave? Demanda alors l'Indien à son sauveur. Non, c'est mon domestique. Tu l'aimes? Sans doute. Nous avons servi ensemble dans l'armée française. C'est question... Eh bien, si tu l'aimes, continua le bon chien, conseille-lui de changer le costume qu'il porte en ce moment, car on voudra le lui voler. Pour le lui voler, on le tuera s'il est nécessaire. Mais qui? Probablement des Indiens, et probablement aussi des trappeurs blancs. Les derniers aiment tout autant ce qui brille que les premiers. Vois-tu ces squaws là-bas? Et le doigt du peau rouge indiqua les femmes, qui arrêtaient toujours sur le dragon des regards, aussi avides que ravis. Je les vois parfaitement, dit Adrien. Alors sois prévenu que pour un bouton de l'habit de ton engagé, note de l'auteur, c'est le terme français usité dans l'Amérique septentrionale pour signifier domestique. Fin de la note. La plupart risqueraient leur vie. Adrien partit d'un éclat de rire. C'est impossible, dit-il en haussant les épaules, croisant la parole de Sungouche Ousseta, qui n'a jamais laissé sortir un mensonge de ses lèvres. Mais tu es donc arrivé depuis peu dans le pays. Hier soir seulement. Tu viens chasser sans doute. Non, je viens explorer des terrains miniers. Le front du bon chien s'éclaira. Enfin, dit-il. Puis à voix haute. Les Français envoient-ils leurs jeunes guerriers pour reprendre le territoire aux Anglais? Cela se pourrait bien, dit Adrien, répondant à une secrète espérance de son cœur plutôt qu'à la question de son interlocuteur. Mon frère, dit ce dernier d'un ton ému, une affaire m'appelle vers l'Ontario. Je serai de retour dans 3 ou 4 lunes. Ma tribu est campée à l'ouest du Grand Lac. Si dans tes voyages tu rencontres un Nahoudessis, présente-lui ce totem et le Nahoudessis, homme, femme ou enfant, sera heureux de se consacrer aussitôt à ton service. Avec ces mots, Sungouche Ousseta tira d'un sac de peau de vison, pendu sur sa poitrine, un petit morceau de bois carré sur lequel était gravé grossièrement un oiseau de proie enlevant un serpent dans ses griffes. Cette figure est le totem ou écusson des Nahoudessis. Adrien prit l'objet et le mit dans sa poche sans y attacher grande importance, tandis que Sungouche Ousseta descendait en courant les rapides dans la direction du lac Huron. J'espère que c'en est là un original sans copie, sans vous manquer de respect, marchef, clama alors Godailleur. Les Indiens sont assurément fort bizarres, répartit pensivement le jeune homme. Ma foi, continua Jaco, si vous n'aviez pas été là, Je lui aurais flanqué une giroflée à 5 feuilles, sans vous manquer de respect, marchef. Qu'en soit-on un gueux pareil, m'appelé anglais, moi, un ancien cavalier de première classe au 7e régiment de dragons? Bon, bon, regagnons notre logis, car je suis trempé, et je sens qu'il est temps de changer de vêtements. Vous vous êtes donc jeté à l'eau pour ce conscrit-là? Non, je l'ai simplement aidé à en sortir. C'est sauvage, marmotta Godailleur. On vous disait que ça nageait comme des poissons. Ah, voyez-vous, il n'y a encore rien de tel que le 7e. Et il se mit à fredonner sur un air inédit. Mais pour la grâce et le bon ton, c'est le dragon, quel pompon. Ils revinrent au village, suivis d'une multitude de curieux qui alla grossissant, jusqu'à ce qu'ils eussent pénétré dans la maisonnette où on leur avait donné l'hospitalité. Car à cette époque, on ne comptait pas comme aujourd'hui au Sault de Sainte-Marie deux superbes hôtels, l'un sur la rive américaine, le Chippewa Hôtel, l'autre sur la rive canadienne, le Pine Hôtel. Les voyageurs entraient dans la cabane qui leur convenait, et jamais ni l'abri ni la nourriture ne leur étaient refusés. En partant, il ne fallait point parler de payer, l'hôte se serait fâché. Pourvu que vous soldiez votre écho en nouvelles des pays d'en bas ou d'en haut, il était satisfait. Telle était jadis la pratique chez nos pères les Gaulois. Le voyageur trouvait bon accueil dans la demeure où il lui plaisait de s'arrêter. Et cette demeure, on l'estimait privilégiée, on l'aimait, on la jalousait. L'étranger restauré, reposé, chacun faisait cercle autour de lui pour l'entendre raconter ce qu'il avait vu, ce qu'il savait. Puis quand il partait, les vœux de la famille qui l'avait gratuitement hébergé l'accompagnaient. Souvent même, on se disputait le plaisir de lui offrir des provisions et de le conduire à plusieurs heures de la localité où il avait fait halte. Tout cela est bien changé en Europe. Tout cela change rapidement en Amérique. Un siècle moins peut-être encore, et le désert, avec ses merveilleux récits de chasse, de pêche, de guerre, ne sera plus qu'un souvenir dont l'idée se heurtera fréquemment à l'incrédulité. Des bateaux à vapeur, des chemins de fer relient déjà le lac supérieur au mont de Policé. On projette un railroad à travers les prairies du Nord-Ouest et les montagnes rocheuses pour marier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Sans la guerre qui désole présentément l'Union américaine, cette immense artère serait certes en voie d'exécution. Ainsi, les vieilles habitudes des chasseurs nord-ouestiers, les antiques exploits de la race rouge, n'auront plus bientôt d'autres annales que la légende et la tradition. Adrien Dubreuil songeait à ces évolutions de la civilisation, tout en remplaçant par un costume sec et chaud son vêtement mouillé, dans la chambrette où on l'avait logé, chez un honnête pêcheur canadien, le père Rondeau. Non que la maison fût des plus commodes, elle n'avait que deux pièces, la première à l'entrée, la salle, et celle où se trouvait le jeune homme. Mais l'une et l'autre étaient propres à ravir et possédaient plusieurs des ustensiles en usage dans les villes. Séparés par une mince cloison de sapin, un grand poêle de fonte à deux étages les chauffait toutes deux. Des bancs-lits, peints en bleu, servaient de couchettes. Ces bancs-lits, formés par quatre planches réunies en carré long, au moyen de charnières, renferment des couvertures, et quelquefois, par excès d'opulence, une maigre paillasse. Le soir, on les ouvre pour se coucher. Ils remplissent tant bien que mal leur fonction de lit. Le matin, on les ferme, et ils redeviennent bancs pour la journée. Au besoin, ils font l'office de malle, voire même de garde-manger. Si ce meuble n'est ni élégant ni très confortable, il a au moins l'avantage d'être fort utile et peu coûteux. Dans la salle, on voyait encore une table longue, des escabeaux, des instruments de pêche, de chasse, une chaudière de fonte et 5 ou 6 plats de terre grise, avec 4 ou 5 assiettes de faïence historiées, ce qui passait alors pour un véritable luxe au Sault de Sainte-Marie. Au plancher séchaient des chapelets de poissons blancs du lac supérieur. Note de l'auteur, les Indiens l'appellent « Adicum meg », fin de la note. Le plus exquis que je sache, des quartiers de venaison et des bottes d'herbes aromatiques, entre autres des paquets de ginseng, cette plante qui, pendant le siècle dernier, passait pour une panacée infaillible, et dont la découverte au Canada eut à cette époque tant de retentissements en France. La chambre d'Adrien était celle où le père Rondeau couchait d'ordinaire, mais il s'était fait un point d'honneur de la céder à son hôte, et avait refusé formellement de la reprendre, alors même que celui-ci assurait qu'accoutumé à la vie des camps, il dormirait très bien dans la salle avec son dragon. Outre ces deux bancs-lits, cette chambre renfermait une armoire en noyer tendre, différents trophées de chasse, un Christ en plâtre et quelques images de saints outrageusement coloriées. Une demi-douzaine de livres d'oraison, jaunis par le temps, noircis aux tranches par les doigts et rongés par les mites, étaient soigneusement rangés dans un petit rayon près de l'unique fenêtre, au-dessous d'un bénitier en bois dans lequel baignait une branche de buis. À cette fenêtre, pas de vitres. Elles étaient presque inconnues aux sourdes de Sainte-Marie, mais des carreaux de parchemin qui tamisaient à l'intérieur de la pièce un jour terne et jaunâtre. Pour plancher, le sol nu, battu comme l'air d'une grange. Ce n'était vraiment point là la demeure de l'homme civilisé, mais ce n'était plus celle du sauvage ou du trappeur nomade. Et entre le wigwam et cette cabane, il y avait bien la distance qu'il y a entre un palais et une chaumière. Enfin, se dit Adrien Dubreuil en se chauffant les mains au tuyau du poêle, si je ne suis jamais plus malheureux que ça dans ce qu'ils appellent le désert, je ne serai pas trop à plaindre. Ce n'est pas pour dire sans vous manquer de respect, marchef, mais le ratat du régiment ne valait pas celui qu'on mange ici, dit Jaco, qui étendait le vêtement que venait de quitter son maître pour le faire sécher. Ah, tu flaires la soupe, toi, reprit l'ingénieur en souriant.